طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي ونبقي ما يتعلق ب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. On doit croire ce qu'il a rapporté, tout ce qui a été affirmé, يعني من حيث السند. لأن في أشياء كذبت عليه بلا شك, il y a des choses qui sont des mensonges. Et alhamdulillah, parmi les qasaïd de cette umma, on a les asanid, chaînes de narration, qui nous permettent d'authentifier. Il y a des choses sur lesquelles il y a eu ijmar que c'est authentique, il y a des choses sur lesquelles il y a eu khilaf, des choses sur lesquelles il y a eu ijmar que c'est batil, que c'est kazib. ثم ذكرنا الخرفاء الراشدين المهديين, ils sont Abu Bakr et Omar et Othman et Ali رضي الله عنهم. Et qu'également Al-Hassan a eu une part du khilafa après son père, et après il s'est destitué pour laisser la place à Muawiya رضي الله عنهم اجمعين. ثم قال المؤلف في نطق le point, le 23e point. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, وزبير في الجنة, وسعد في الجنة, وسعيد في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. Donc là maintenant on va citer le nom de certains sahaba qui ont été pour qui l'annonce du Jannah a été faite clairement. Qu'il n'y a que ceux-là, il va citer les principaux, il y en a eu d'autres sur lesquels il y a eu des nusus. Là, il cite certains comme ça, les plus connus. Et d'autres sahaba, certains ont eu des textes, c'est également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah n'oumne jannah. Fulan, fulan, fulan. Il y en a eu plusieurs, plein. Wa jumlatan, as-sahaba fil jannah. N'attaqui bizarik. Tamam. Taïb. Donc, il parle en premier des 10 promis au jannah. Ceux dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a garanti la chose. Et ces 10-là ont été spécifiés ensemble, car ils viennent sont venus dans un seul et même hadith. Ils sont venus dans le même hadith, tous ensemble dans le même hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sont dans le Jannah. Et comme a dit le Cheikh Al-Faymin, Tanqasim shahada bil Jannah ou al-Nar ila qismayn, amma wa khassa. Que le fait de tester le Jannah pour quelqu'un, c'est deux catégories, la générale et la spécifique. La amma générale, celle qui est liée à un descriptif. مثلا نشهد لكل مؤمن بينه من الجنة شك croyant شك موحد d'accord et لكل كافر انه في النار et tout كافر il est au feu. Ça c'est général. Et d'autres des awsaf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les textes sont venus dans le Coran, que telle et telle personne qui fait telle et telle chose il est au feu ou le contraire au Jannah. Ou le khassa spécifique, celle qui est liée à des personnes en particulier qui sont au Jannah. Et ça, on ne peut faire le ta'yin, désigner qu'avec un texte. Amma le nar, les kuffars, on peut dire fulan fil nar. Taïb, kuffar, jazman. Donc ce hadith, où c'est justement les 10 qu'on vient de lire là au Jannah, c'est un hadith apporté par Tirmidhi, authentifié par l'Albani, Rahmanallahu Ta'ala. Donc, bien évidemment, en premier lieu, il y a les 4 Khurafa Rashidun Mahdi, Nabi Aoula. Et après, les 6 autres, Saïd, wa Sa'ad, wa Ibn Aouf, wa Talha, wa Amir, Fawaz Zubayr, et Mumaddah, comme a déjà fait le Bayt. Donc, Talha, c'est Ibn Ubaidillah, Ibn Bani Tamim, ou Taymi, Ibn Marra. Un de ceux qui sont convertis depuis le début à l'islam et qui est mort en l'an 64 qui avait 64 ans, il est mort en l'an 36 de la Hijra dans la bataille des Jamel, la bataille qui a lieu lorsqu'il y a le conflit entre les Sahaba, du moins entre des gens, et parmi eux il y avait des Sahaba Zubayr, c'est Ibn al-Awam, Ibn Abi Qasa, Ibn Kilab. C'est le cousin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, justement, le jour de Jamel, lui, il est parti. Et il fut tué par la suite. En l'an 36. Et il avait 67 ans. Abdurrahman ibn Auf, ibn Bani Zuhra, ibn Kilab. Lui, il est mort en l'an 32 de la Hijra. Il avait 72 ans. Il y a Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui est ibn Malik, ibn Bani Abd al-Manaf, ibn Zuhra. C'est le premier qui a décoché une flèche, fi sabilillah. D'accord ? Et il est mort en l'an 55 de la Hijra, il avait 82 ans. Saïd ibn Zayd, wa ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl al-Adawi. Et pas Kazalik, min al-Sabiqin al-Islam, parmi les premiers à être en Islam. Et il fut enterré à Medina en l'an 51, et il avait plus de 70 ans. Abu Ubaïda, celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa amin adil umma. Wa son nom c'est Amir ibn Abdullah ibn Jarrah ibn Abi Fihr. Parmi les premiers également à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il est mort en Jordanie de la peste en l'an 18, il avait 58 ans. La'alla nafs marad. Qui fut également la cause de la mort de Mu'adh ibn Jabal. Lui aussi, il est mort en Urdun, Netarun, de la peste. Également, parmi ceux qui ont eu un texte affirmé, il y a eu Al-Hassan al-Hussein et Thabit ibn Qais. Al-Hassan al-Hussein, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anouma, Sayyida Shabab al-Jannah, qui sont les chefs des jeunes du Jannah. Alors, au Tirmidhi. Et Thabit ibn Qais, celui qui avait levé sa voix. Et après qu'il avait peur que toutes ses œuvres soient annulées, va dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innaka lesta min ahli an-nar, walakinaka min ahli al-jannah. Mais tu n'es pas parmi les gens du feu, mais tu es parmi les gens de Jannah. Car il était terrorisé par rapport à ce qu'il avait fait, et pour lui, ses œuvres étaient annulées. Donc Al-Hassan et Al-Hussein sont les petits-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et par Fatima. Lui, Al-Hassan, radiallahu anhu, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, ma'alouf, qui est né en l'an 3 de la Hijra, au 15 de Ramadan, et il mourut à Medina. En l'an 50 de la Hijra. Et Al-Hussein, kazalik, c'est son frère. Il est né un an après son frère, l'an 4 de la Hijra, et il fut tué au 10 de Muharram de l'an 61 de la Hijra. Alors que Thabit ibn Qais, lui, il est mort shahid, quand même en l'an 11 de la Hijra, ou alors, le chir dit que c'est ou à la fin de la 11e année de la Hijra, ou alors au début de la 12e. Et après, il y a eu des gens, Al-Mu'ayluna min al-Nar, fil Kitab wa Sunna, des gens qui ont été clairement désignés comme étant des gens du feu dans les textes. Mathalan, il y a Abu Lahab, lui et sa femme. Et également Abu Talib, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a le droit à la Shafa'a, lui, pour que son azab soit mukhaffaf. Et lui, c'est la personne qui aura le châtiment le moindre. Même qu'il aura des braises sous les pieds à tel point que son cerveau va entrer en ébullition. Il s'imagina comme étant la personne la plus durement châtiée, alors que ce sera le châtiment le plus khafif. Lakin ma'ata mushrikan, il a refusé de dire la ilaha illallah parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir. Et également parmi eux, Amr ibn Amir al-Khaza'i. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه رأيت يجر أمعاءه في النار. Je l'ai vu traîner ses intestins dans le feu. رواه البخاري. Il y en a eu d'autres. D'accord, il y en a eu d'autres. نعم. Et à la base, toute personne qui meurt kafir, laka an takulnu fi an-nar. D'accord ? Amal muslim yurja lahu dhalik. Maintenant, ça dépend de ce qu'on a connu de lui dans la dunya. C'était quelqu'un qui est passé comme étant droit à nos yeux. Ou quelqu'un qui était ghayr dhalik. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna rajula la ya'mal bi 'amal al-nar thumma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Wa inna rajula la ya'lamu bi 'amal al-nar huwa al-jannah lima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-nar. Que tu vois l'homme faire les actes des gens du feu dans ce qui apparaît aux gens, alors qu'il est parmi les gens du paradis. Le contraire, t'en as, tu les vois faire les actes des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens, alors qu'il est parmi les gens du feu. Mais celui, ce qu'on a husn al-dhann, yurja lahu. Wallazi mata ala hal sayyi yurja alayhi. Fa qala al-mu'allif, 24e point, wala najzum li ahadin min al-qibla bil-jannati wala nar. إلى من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء comme on a dit qu'on ne certifie pour personne parmi les gens de la Qibla parmi les musulmans qu'il est au Jannah ou au Nar à part celui pour qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a certifié cependant on espère pour le bienfaisant qu'il soit dans un khayr et celui qui était malfaisant on craint pour lui. ثم قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الاسلام بعمل. Après il dit que nous ne rendons mécréant aucun des gens de la Qibla pour un péché, nous le sort de l'islam pour un acte, c'est-à-dire qu'il aurait commis. هذا على الاطلاق في نظر. Ce que le mu'allif il a dit, ça mérite à la base un tafsil, car il y a des dhunub qui elles sont mukaffira. Il y a des péchés qui sont comme d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, d'insulter la religion, d'insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'insulter les sahaba. Il y a des actes qui doivent sortir de l'islam. Lui, il veut dire par là, en fait, il veut faire un rod au khawarij qui eux, yukaffiru nabi kabira allati lisat mukaffira. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres mu'allifoun, ils ont fait ce même itlaq dans le love. On sait ce que le mu'allif il a voulu dire, mais elle décoffe l'ibara, yani ad ahsan, d'avoir vraiment des paroles pesé et bien mesuré pour ne pas laisser un matrol pour les gens de la bid'a. Parce que certains vont dire "Nefalen, mahma tafal min zam, la nukaffiruk li murji'a." Après ils vont sortir le masal kalam de l'imam Mukaddam et ils vont dire regarde ce qu'il dit, on kaffir on fait pas mécréant pour un péché. On dit oh, mais quel péché? Même les paroles kabira qui n'est pas mukaffira. Donc il y a plein de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé comme étant du kufr qui n'en est pas. معنى هذا ينقسم الكفر كما تعلم الى اصغر واكبر والشرك كذلك الى اصغر واكبر ce n'est pas toute chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit comme étant du kufr qui est forcément du kufr akbar mukhrij an al millah. Des hadiths sont déjà venus comme le fait de ceux qui se combattent entre eux comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple qu'on donne souvent qital al muslim kufr wa sibabuhu sibab al muslim fisq wa qitaluhu kufr. Le fait d'insulter le musulman c'est une perversion et le fait de le combattre c'est du kufr. Même et après dans le verset où une tarifata minin ektatalou faslihu baynahuma, donc ces deux groupes de croyants se combattent, alors concilient entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés groupes de croyants. Ah ça c'est un mithal qui est ma'rouf. Donc on a maintenant on sait quoi, que nous on rend pas mécréants par un péché. Inna Allah azza wa jalla yaqul inna Allah la yaghfiru wa yushtaka bi وَيَغْفِرُوا مَا دُنْ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Que Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc tout péché, pour celui qui meurt mouahid à l'Iman, il sera pardonné par Allah Azza wa Jal, s'il meurt sur le tawhid. Après, il se peut qu'Allah le châtie pour ce qu'il a commis ou pas, il est tartin mashi'a. Donc, « Al-Iman wa tawhid, hum yakhruj min al-nar. » Ils ne seront pas éternellement. Ça, c'est un rod au khawarij ou mortazila. Les gens de la sunna ne rendent pas mécréants pour un péché qui lui-même n'est pas une cause de kufr. Akbar. Et même des fois, du kufr akbar peut être commis, il peut y avoir du ouzr derrière, une excuse, après pouvoir le tafsir dans la mas'ala. Thumma qala, wa nara al-hajj wa al-jihad madiyayn ma'a ta'at kulli imam barran kana aw fajiran wa salatu al-jum'a khalfahu ja'iza. Il dit, on voit que le hajj et le djihad perdureront quand même avec l'obéissance de tout gouverneur, qu'il soit un pervers ou qu'il soit un homme pieux. Et la salat de Jumu'ah derrière eux est permise. D'accord ? Elle est permise. Tant que le hakim muslim il reste muslim, on doit lui obéir fil ma'aruf. On doit lui obéir fil ma'aruf. Fi ta'atillah. Thumma qal rahmanahu ta'ala. Nukta al-khamis wa 20, 25e point. Ibn al-sunna tawalli ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbatuhum wa zikru mahasinihim wa tarahum alayhim wa l'istighfar lahum wa l'kuf an zikri masaihim عن مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله عز وجل d'abord on va traduire que parmi la sunna le fait d'être allié aux ashab du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons. Quand ذكرنا من هو الصحابي dans les doulous précédents, c'est qui le sahabi, et qu'on doit les aimer, on doit citer en bien les œuvres de bien qu'ils ont fait. On doit invoquer pour eux la miséricorde et demander pardon pour eux. Et on doit s'abstenir de citer les erreurs qu'ils auraient pu avoir commis ou les fautes, d'accord, et tout ce qu'il y a eu comme khilaf entre eux, car ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et on doit avoir pour croyance leur mérite et leur vertu, d'accord, et savoir le bien qu'ils ont devant tout le monde. Quand Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Donc ceux qui viennent d'après eux, c'est-à-dire après les sahaba, qui disent « Oh, notre Seigneur, pardonne-leur hein, à nos frères, ceux qui nous ont devancés dans la foi, et ne met pas dans nos cœurs de dureté, on dira comme ça, rigidité envers ceux qui ont cru. » Et là, ça c'est un ce verset qui est venu pour faire allusion aux sahaba. On doit faire du'a pour eux, on doit les aimer. Donc Allah Azza wa Jal, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Que Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux envers les croyants. Du moins entre eux, envers les croyants. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadahum law anfaqa فإن أحدكم عفوا لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Que n'insultez aucun de mes compagnons. Il a bien dit aucun. Ahadan, là c'est quoi? Nakira fi siyak an-nahi, c'est-à-dire aucun d'entre eux. Car si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent de Uhud en or, cela n'atteindrait même pas le moud de l'un d'entre eux, ou même la moitié. Et le moud, c'est quoi un moud? Là. Le sar, c'est 4. Amdad. C'est une fusée, comme ça, avec les deux mains. Non. Donc, c'est Adilès, Wadiha. Là, c'est Irtisar, bien sûr, comme on dit. Hein. D'accord? Bouhaza min hukouk et sahaba. Radiallahu anhum. Car ce sont eux qui ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les premiers à avoir cru, à avoir accepté cette risale, et qui ont subi les plus grandes épreuves, et qui ont accompli les plus grands actes. D'accord ? Et personne ne pourra, yani, personne ne pourra avoir leur vertu. Et sorba bi wahdaha, sorba, le fait d'avoir été un compagnon en lui-même, c'est une vertu qui est énorme que personne ne pourra atteindre par la suite. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé à quelqu'un d'avoir vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir cru en lui, d'être mort sur l'Iman, d'accord, ça prouve que dans ton cœur, Allah sait le bien qu'il y avait par rapport aux autres. Donc ces gens-là ont préservé leur religion, ont été la cause qui nous parvient jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin des temps, au moins à la fin des temps, tant que l'islam il est présent, que le Coran il est présent, et qui ont préservé la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'ont enseigné par les actes, d'accord, par la da'wa et l'enseignement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Comme Allah Azza wa Jal, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Que Allah a parlé des premiers précédents parmi les muhajirin ou les ansar, Allah fait leur éloge dans le Coran. Ainsi que ceux qui ont fait le pacte sous l'arbre, ou les Zalika. Donc on doit les aimer dans nos cœurs et faire leur éloge, bien évidemment. Et le fait de s'abstenir, de citer leurs erreurs qu'ils auraient fait ou quoi, il veut dire par là, il y a un tafsir à donner également par rapport à ce qu'elle aime là, c'est ce qui amènerait à les dénigrer. D'accord ? À les dénigrer, à les rabaisser, à ne pas leur rendre leurs droits. Maintenant, quand c'est une masala ilmiya, comme plein de ulama ils ont fait des fois pour citer que le sahabi, son acte, n'est pas une hujja en soi. Il peut faire un ijtihad et ne pas avoir correct. Ne pas avoir vu correct. Donc là, on te dit tel acte de tel sahabi, n'est pas à faire, car à ce moment-là, il a fait un ijtihad de sa part. Peut-être que le hujja ne lui est pas parvenu. D'accord ? Et toi, tu dois suivre qui ? Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et pas les sahaba mutlaqan. Leur fahm mutlaqan, yani, à la wajh umum, na'am. Et que le sahabi en lui-même, ce n'est pas lui le rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de mal à citer la chose. Bab nusr lil umma. Et le sahabi lui-même aurait aimé cela. Donc ne pas croire que quand tu dis que tel sahabi a fait une erreur dans tel mas'ala, c'est un tort dans sa personne. Non. C'est un bayen. Voilà, umma. Maintenant, tu as des gens, ils en font trop, ils sont partis jusqu'à les dénigrer, les insulter. Ça, c'est ça qu'il veut dire l'auteur par là. Demain, tu as un hadith sur un point, et tu as un sahabi, mas'alan, qui fait un autre acte. Comment la personne va savoir si on dit que tout ce que le sahaba y fait, c'est hujja? À ce moment-là, tu lui démontres, non, le sahabi a fait tel acte, ijtihadan. Il a dit, Salam Salam Ibn Omar, quand il faisait le rose, il mettait l'eau dans ses yeux. Salam, à tel point que des ulama, ils ont dit qu'il est devenu aveugle. Et ça, c'est pas la sunna. Salam. Donc, pour pas que toi, tu fasses la même chose, ils vont te le dire. Si demain, tu dis que tu entends que Ibn Omar a fait telle et telle chose, les ulama vont te dire, oui, mais ça, c'était un ijtihad de sa part. Toi, tu ne dois pas le faire. C'est pas un tendre. Salam, c'est pas un tendre dans sa personne. Donc, bien distinguer là, dans la mas'ala, qu'est-ce qui est voulu par là. Après, le shir cita le hukm du fait d'insulter les sahaba. Il dit ça, il y a trois catégories. Le fait de les rendre mécréants. Il y a une insulte qui implique un takfir de la plupart d'entre eux. Ça, ou dire que la plupart des sahaba, c'est des faussaires. Ça, c'est le kouf. Directement. Celui qui agit de la sorte, on le kaffar. Et toi, tu n'as pas à douter de son kufr à celui-là. Comme c'est le cas de qui ? Des rawafid. L'anatullah alayhim. D'accord ? Même le fait de kaffar un seul sahabi, ça amène à ce hukm-là. Après, deuxième catégorie, le fait de les insulter comme le fait de les maudire ou de les enlaidir. Takbih wa la'an. Là, il y a deux calls entre les ulama, les chirisites. Entre ceux qui disent que c'est du kufr, et d'autres qui disent non, il mérite par contre, celui qui fait cela, d'être emprisonné, et de subir une sentence, quand même, et d'être mis en prison, sauf qu'il meurt, sauf s'il fait tawba. Au minimum, quand même, il subit une grosse sentence pour ce qu'il a fait. Et certains, ils voient que c'est du kufr. Et ça, Alice, le fait d'apporter une insulte qui n'est pas, elle, une atteinte à leur religion. Comme par exemple, dire qu'un tel, c'est un djabban, c'est un peureux. Ou un tel, c'est un bakhil, c'est un avare. Pour les alikas. Ça, kazalik. Ça n'amène pas un kufr. Ça n'amène pas un takfir. Mais ça amène à quoi ? Est-ce que la personne qui parle de la sorte subisse une peine de la part du gouverneur. Quoi ? Quitte à même, comme le dit Imam Ahmed, elle est mise en prison à mort. Sauf s'il fait tawba. Ou être flagellé par le gouverneur. Le gouverneur, il voit la sentence qu'il mérite, mais il n'a plus qu'une sentence, une dure sanction. Car s'en prendre au sahaba, ça revient à quoi ? À s'en prendre au din. Car ce sont eux qui l'ont apporté jusqu'à notre époque. Donc c'est la cause que le Coran nous parvienne et que la sunna nous parvienne. Bismillah ta'ala. Donc les insulter, ça reviendra à quoi ? À remettre en doute la religion. Comme le font les rawafid. Leur but, quand ils font s'en prendre aux sahaba, c'est de faire douter de la sunna et du Coran. Car ils savent que ce sont eux qui l'ont apporté. Enfin, le man kaffarahum wa ta'ana fi dinihim ba wa qasduhu atan fi din. Il va te le faire de façon indirecte. Il va te le faire de façon indirecte. Summa qala al-mas'ala al-sadis wa 20, 26e point. ومن السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل سوء. Donc là c'est mas'ala qui est le fait de d'invoquer l'agrément pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les mères des croyants, qui sont les pures, quand même les innocentes de tout mal qui leur a été injustement attribué. Afdaluhum, alors ce sera afdaluhunna, ça sera afdaluhunna, car ce sont des femmes. أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن كذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين كاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. Après cita que la meilleure de ces femmes c'est Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu anha et Khadija et Aïcha Siddiqa qui est la fille de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha, qu'elle était innocente de ce quoi elle a été accusée injustement par les munafiqoun d'avoir fait zina, tamam, et qu'elle est la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dunya ou fil akhirah, et que celui qui l'accuse de telle chose après que Allah l'en ait innocenté, ça c'est du kufr, il a mécru en Allah azza wa jal. Et il cita également Muawiya, l'oncle des croyants, qui était parmi les, ceux qui ont écrit la révélation, le Coran, et l'un des khurafas des muslimines. Non. Donc là, Cheikh Othaymine, après, cite en tafsil les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celles par qui il n'était séparé que par la mort, ou leur mort à elle, ou sa mort à lui. La première, c'est Khadija, bint Khuwaylid, qui est la mère de tous ses enfants, hormis Ibrahim. Ibrahim, lui, c'est Maria al-Qabtiya, qui était son esclave. Donc il l'a épousée alors qu'elle était également, elle a été veuve. Quand même. Et il n'a été marié qu'à elle lors de son vivant. Lorsqu'elle était vivante, il n'a pas pris de deuxième femme à son époque. Et elle est morte l'année 10. Après, 10 ans après la, on va dire la bi'atha, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déclaré prophète et messager. Il était la première des femmes à avoir cru en lui et à avoir porté son soutien. Et il l'a aimé d'un grand amour. Même après sa mort, il était toujours en bien. Après, c'est Aïcha, qui est la fille de Abu Bakr Siddiq, qui l'a vu 3 fois en rêve avant de se marier avec elle. D'accord ? 2 ou 3 fois en rêve. Il lui était dit, Azimur Atouk, c'est ta femme. Et qui s'est marié, il a fait le Aqd, c'est-à-dire le contrat de mariage, quand même, alors qu'elle avait 6 ou 7 ans, à Mecca. Et le Dukhul, la cohabitation, a eu lieu à El Medina, elle avait 9 ans à peu près. Et elle, elle est morte en l'an 58 de la Hijra. Et quand il est mort, Nabi Salam, elle avait 18 ans. Et c'était la femme la plus savante. Il était dit que la différence entre Khadija et Aïcha, c'est que Khadija était dans le Fadl, dans le Nasra, c'était elle la meilleure. Et dans le Ilm, et dans la Da'wa, la plus forte, c'était Aïcha, radhiyallahu anha. Après, il y a eu Sauda. Et en vrai, il s'est marié avec Sauda avant Aïcha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauda, elle était veuve également, elle était assez âgée, il s'est marié avec elle, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est morte, elle, en l'an 54 de la Hijra, lors du khilafa de Omar. Il y a eu également Hafsa bint Omar, la fille de Omar. Quand même, il s'est marié avec elle également, et elle, elle est morte en l'an 41 de la Hijra. Il y a Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya, Oum al-Masakin, qui faisait beaucoup de sadaqa, ma'alouf pour cela. Il s'est marié avec elle, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son mari a été tué à Uhud, ou Abdullah ibn Jahsh. Et elle, elle est morte en l'an 4, c'est-à-dire du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps après qu'il soit marié avec elle. Je crois que c'est 2 mois après, je crois. Salama Hind, al-Marzoumiya, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé après la mort de son mari Abu Salama, qui était Abdullah ibn Abi ibn Abi al-Asad. Et elle est morte en l'an 61 de la Hijra. Zainab bint Jahsh al-Asadiyya, qui était la cousine du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec elle après que son fils adoptif Zayd l'ait répudié. Et c'est pour montrer que l'homme peut se marier avec la fille de celui qu'il avait, qui était à dire le statut d'un fils adoptif, mais il n'était pas son vrai fils. Et ça a été fait exprès pour montrer la permission de cela. Et elle est morte en l'an 20 de la Jira. Après, il y a eu Jouairiya. Et Bébé Faïda Jouairiya, c'est un nom qui est mixte en arabe. Ça peut être un nom d'homme et un nom de femme. Jouairiya. Et Hind Kazalik. Hind, c'est un nom qui est mixte. Et elle, elle est morte en l'an 56 de la Hijra. Taoum Habiba Ramla bint Abi Sofian. Elle était partie parmi ceux qui ont fait la Hijra en Habasha. Après, il y a eu un khilaf par rapport à son ex-mari, qui a été dit qu'il s'est christianisé. Et des frères ont fait un barf dans la mastala. Ils ont dit qu'en fait, Mayas Boutalik. Certains ont dit qu'il est apostasié. En Habasha, il est devenu chrétien. Nasrani. Et après, c'est le Najashi qui était son wali, qui l'a marié au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui a payé le mahar. Et par au fait que son ex-mari, Irtadda, a dit Qissa, Mashhura, c'est connu. Dans plein de facettes, tu l'as trouvé. Mais tu as des frères, parmi les Toulab, ils ont fait un barf. Ils ont dit qu'il est Mayas Boutalik. Et elle est morte, c'est la sœur de Muawiyah. Elle est morte en l'an 44. La Safiya bint Hayy, qui elle avait été fait prisonnière, et après qui a été mariée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a libéré, et son mahar, c'était son mariage. C'était en l'an 6 de la Hijra, et elle est morte en l'an 50. Tu as Maymouna bint al-Harith. Elle, c'était la tante de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Il s'est marié avec elle en l'an 7 de la Hijra. Et elle, elle est morte en l'an 51. Donc ça, ce sont les femmes que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a été séparé d'elle par la mort. Deux de son vivant, qui sont mortes de son vivant, qui ont été Khadija et Zainab. Et les autres sont mortes après lui. Et il y en a deux autres à qui il était marié, mais il n'y a pas eu de dukhul, qui ont été divorcés. Et il y a eu Asma ibn al-Nu'man et Kindiya, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le chéri, dit qu'il s'est marié, après il a divorcé directement. Et après il y a eu un khilaf pour la cause du divorce. Et il y a eu Umaymah bint al-Nu'man al-Sharahil. Et il a dit que pourquoi elle était divorcée, ce hadith était authentifié par Shaykh Mokbil. Lorsqu'il a voulu la toucher, elle a dit A'udhu billahi mink. Et il a dit au Nabi sallam Qad ista'wasti bil azim. Il a haki bi ahlik. Il a dit tu cherches refuge auprès de l'immense. Il ne l'a pas touché, il a dit retourne auprès de ta famille. Donc le fait d'accuser les femmes du. Ça, c'est du kufr. La sième, Aïcha, pour l'histoire qui lui est arrivée. Radiallahu anha. Et ça, c'est justement une cause que les munafiqoun ont voulu. Et leur but, ce n'était pas Aïcha en soi. C'était le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'aujourd'hui, Rafida continue à faire cela. D'accord ? Et que chaque an, il prend une chaîne noire, il a la pile, il dit ça. Aqimul Had ala Aïcha. Pour dire que cette chaîne-là qui est morte, qui a eu la pile, c'est pour, soi-disant, remémorer cet acte qu'elle méritait, qu'elle n'a pas subi, qui était la lapidation. Et ils disent même que le pénis du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, sera au feu. Du fait qu'il est resté avec elle. Voilà, Azubillah. Ça, c'est le kufr pur. Wadih. Et il finit en parlant de Muawiyah, radiallahu anhu. Il l'appelait Khal et Mu'minin. Mais chez les salafs, c'était pas connu ce laqab. Et pourquoi Khal et Mu'minin? Parce que lui, c'était le frère de. C'était le frère de Umm Habiba. D'accord? Donc, le frère de la mère des croyants deviendra quoi? Leur oncle. Et lui, il était également émir al-Mu'minin, c'est le fils de Abu Sofyan, Sakhr ibn Harb, qui s'est converti après le Hudaybiyah et qu'il a caché son islam au début, et qu'après il a pris, il a été parmi ceux qui ont eu l'autorité sur les musulmans, il a été émir des mu'minin, et cela quand après le Hassan, que le Hassan lui laissait la place. Et il a été justement un émir adl qui a fait beaucoup de bien pour la Ummah. Il y en a même, ils disent que il est aoulé bil laqab shir salih al shir, il dit que Muawiya est plus en droit d'être appelé le khalif al-khamis que Omar ibn al-Aziz. Car Omar ibn al-Aziz c'est un tabi'i, alors que Muawiya lui c'était un sahabi. Mais en réalité, il appelait Khilafa, mais c'était un roi. Muawiya c'était un roi. Il était parmi ceux qui ont écrit le wahi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Coran est descendu. Et il est mort en Rajab, en l'an 60 après la Hijra. Et il avait 78 ans. Les Rawafid le détestent, Muawiya. Et même Muawiya, c'est le matrol de tous les gens de la bid'a qui veut s'en prendre aux Sahaba. Ils commencent tous par Muawiya. Ils vont te dire, moi j'aime les autres, mais Muawiya, lui non. On dit là, Muawiya, hatta Muawiya, min al Sahaba, lo haq alayna, ma yajouz al-kalam fiya kada. Fahimt? Ou min afdal al-Sahaba. Tu vois des gens qui parlent de lui, qui l'insultent, qui le traînent dans la boue, radiallahu anhu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi les soufis, ils ne l'aiment pas. Quasiment toujours la bid'a, ils n'aiment pas Muawiya. Et comme les ulama le disent, Muawiya, bab, ala sahaba al-akharin, c'est tout. Muawiya, ils le prennent, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. Ils servent de lui pour dire non, c'est juste lui notre problème, les autres, il n'y a pas de problème. Ils commencent par Muawiya, ils finissent par qui? Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Donc le tan sur Muawiya, c'est un tan al-sahaba, à la voix du roman, même si tu ne le veux pas. Et c'est un tan également, dans quoi? Fid Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il a choisi pour écrire le wahi. Fa Muawiya nuhibbuhu, kama nuhib al-sahaba al-akharin. Maintenant, les sahaba, ils ont, comme on l'a dit, degrés différents. Le meilleur, c'est Abu Bakr al-Siddiq, ainsi de suite, le khurafa. Donc là, c'est ce qu'on a appris par rapport à ça, aujourd'hui, dans le dars. Tamam. Et, Raden, Inch'Allah, ça yakoun akhir dars, biznillah ta'ala. Fiat al-kitab. Je voulais couper, mettre une partie pour demain, mais dans les langues, on parlait des sahaba, des ummahat al-mu'minin, il valait mieux tout mettre ensemble. Donc là, on a dit, c'est résumé, hein. C'est pour avoir les bases, biznillah ta'ala. Mafoumahada, fayla ouna. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك